baiser. Abîmé par mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. Si j'te vends mon âme, j'te la vends dans l'état. La vie n'est qu'une escale, fils de putain, vole-toi. Avoir que t'appelles au secours, l'honneur on te l'enlèvera. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Rochette, mouton, t'es noir, place à mes lèvres, t'as. Y'a pas de piston, t'es noir sur le Beretta. Ils sont faits contre nous, donc on enfreint les lois. On fait un sur les ballons, ils n'ont fait que parler de toi. Portes sont fermées, chat noir passera par les toits. En France comme dans l'arche, Nexer, Negrette à l'étroit. Si tu fais des marmots, pense à être là. Sinon, crache dans la maman, pense pas à l'éteint. Libérez-moi ces bites, rendez leur maître à l'entrejambe. C'est pas la taille de ma bite, c'est le 9 mm. Bang bang bang, pas de la tête aux pieds. En vrai, j'm'arrête à la schneck. L'argent ne fait pas le bonheur, bonheur rempli par l'assiette. Abîmé par mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. J'rappe comme Bruce Lee, Manichlas. Hein, blanche rise ma paire de Stanislas. Bâtard, tu es quoi que tu fasses, Dieu ne t'a pas attribué de race. Oulbi, Amy, Amy, Vice. J'suis tellement loin dans le VIP, j'suis même pas confortable. Réputé insortable, 800 mètres carrés habitable. Bitch, tabac avec le diable. J'suis cop Corleone, Felipe. On se tire dessus, ne donne plus de job. Niquer des darons, c'est l'idée. Ils pensent Afrique, ils pensent soleil. J'pense au Nexe, Amistad. Mes petites filles, vivra ton époque. Est une époque formidable. T'as beau t'appeler Tony M, Mani lui met dans le thème. Coupé, décalé, tchétchène, arme d'Ukraine. Sur la poitrine à Ultrema. À m'asseoir sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de femme. Tu me laisses croire que Dieu est grand. Je compterai pour toi plus jamais pour des kilogrammes. Je n'ai plus de love pour aucun. Fuck toutes ces billets, je sais que tu en fais me rappeler d'une. Ton rire ouvre la mer en deux. Par le quartier d'un bloc d'en bleu, tu es ma lune. Demain tout ira bien, bien. Demain tout ira bien. Car sans eux je ne suis rien. Rien, sans eux je ne suis rien. Je ne suis là que pour elle. Rien d'autre, le reste vaut pas la peine. Je perdrai tout pour lui. Ne passerai jamais de l'amour à la haine.